Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 22. Des préceptes de l'espérance et de la crainte. Convenance des préceptes touchant l'espérance et la crainte. 1. Devait-il y avoir, dans la loi ancienne, quelques préceptes concernant l'espérance? Il convenait que des préceptes fussent établis à l'égard de l'espérance. La preuve en est que l'Écriture sainte en contient un grand nombre. Combien, disait saint Augustin, n'avons-nous pas de préceptes sur la foi, combien sur l'espérance? Parmi les préceptes contenus dans l'Écriture sainte, les uns appartiennent à la substance même de la loi, les autres en sont les fondements. Et, au nombre de ces derniers, il faut compter ceux qui regardent la foi et l'espérance, car, par la foi, l'homme reconnaît l'auteur de la loi pour son maître, et, par l'espérance, il est excité à observer ce que la loi prescrit. Que, les préceptes qui appartiennent à la substance même de la loi et qui ont pour but la bonne direction de la vie soient exprimés dans le décalogue sous forme de commandements, cela se conçoit. Ils sont adressés à des hommes déjà soumis et disposés à obéir. Il n'en devait pas être de même de ceux de l'espérance et de la foi, si ces deux vertus n'existaient pas dans le cœur d'un homme. En vain on lui donnerait une loi. Cela étant, comme le précepte de la foi ne dut être exprimé dans le décalogue que par forme de déclaration ou de mémorial, celui de l'espérance n'y dut figurer aussi que par manière de promesse. Le décalogue une fois promulgué, il appartenait aux hommes remplis de l'Esprit de Dieu de porter leurs frères, non seulement à en accomplir les préceptes, mais surtout à en garder les bases, aussi trouve-t-on dans l'Écriture sainte. Après la promulgation de la loi, une multitude de passages qui excitent les hommes à la vertu de l'espérance, non plus seulement par forme de promesse, comme dans le premier et le quatrième précepte du décalogue, mais par forme d'admonition et de commandement, ce que l'on voit par ce texte et par beaucoup d'autres. Espérez au Seigneur, vous tous qui composez l'assemblée de son peuple, psaume 61, 9. Note. La nature nous excite suffisamment à espérer le bien qui nous est proportionné, mais non pas le bien surnaturel. L'autorité de Dieu seul pouvait nous porter, par promesse, par avertissement ou par précepte, à l'espérance des biens surnaturels. Fin de la note. 2. Était-il nécessaire d'établir quelques préceptes touchant la crainte? Il est écrit, « Maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur demande de vous, sinon que vous craigniez le Seigneur votre Dieu ?» Deutéronome 10, 12. Donc la crainte de Dieu est l'objet d'un précepte. Le décalogue ne devait pas renfermer de préceptes formels sur la crainte servile, c'était par des menaces qu'il fallait inspirer ce sentiment salutaire. Mais, plus tard, les sages et les prophètes ont fait à l'égard de la crainte servile ce qu'ils avaient fait pour l'espérance, ils ont promulgué des préceptes formels. Quant à la crainte filiale, elle est ordonnée dans la loi ancienne, comme la charité elle-même, l'une et l'autre conduisant aux actes extérieurs prescrits par le décalogue. Elle forme en quelque sorte la conclusion du décalogue lui-même dans les paroles du Deutéronome que nous venons de citer, et dans le reste du même chapitre où il est ordonné à l'homme de craindre Dieu, de marcher dans ses voies en l'honorant, et de s'attacher à lui par l'amour. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.